avec Maurice. Ah oui. Salut à tous. Et il a déjà les cornes. Ça commence, mais en plus il est dans ton équipe, Maurice. Oh, connasse. Voilà. Ah, voilà. Il l'a appelé par son petit nom, mais c'est Julien. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Julien. Le Jurassic Park des ondes, Bob du club. Ah, oui. Salut les filles. Salut. Salut Bob. Salut Bob, il y a aussi des garçons. Hein. Ouais, ouais, les blagues les plus mignonnes sont celles racontées par GG. Wow. GG, bonsoir GG. Premier prix en misogynie. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça va me plaire. De droite. Voilà, deux prix en plus. Réactionnaire. Avec eux également Frédéric Coster. Ah, wouh, ça va être bien alors, ça va être bien. Émission réalisée par Davy. Ah oui, en pleine ah, forme. Bon. Et ce soir, une émission exceptionnelle, Frédéric, car tu nous as pas amené. L'émission est animée par Philippe Bello. Ah oui. Merci. Donc, je disais, tu ne nous as pas amené un, ni deux, ni trois, ni quatre. Combien ? Ils sont cinq. Cinq invités. C'est la troupe de la pièce « Ma voisine ne suce pas que de la glace ». En espérant quand même qu'on a la même voisine. Oui. Alors Bob va nous les présenter individuellement. Ah, ah oui, oui, oui. Alors nous avons... elle a des yeux extraordinaires. Mm-hmm. Elle a un chapeau aussi. On elle s'appelle Sabrina. Ah oui. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Maurice, tu feras gaffe, il faut changer la couche de Bob. Ouais. Ah oui, oui. Bonsoir Sabrina. À côté d'elle, on a Marina. Ah. Moi, j'ai rien d'extraordinaire. Ah, merci. Canette typique, ça va être sympa. On a Cindy, Paulette et je sais plus quoi. Bonsoir. Ça, c'est la même, oui. Et la voisine. Sandy. Sandy, oui. À côté, on a Jean-François. Ah. Bonsoir. Applaudissez-le, bande de feignasses. JF. Et à côté, Salim, en deux mots. Bonsoir. Oh là là. Ah, ça, j'aime beaucoup. Salam alaikum. Alors, ma femme ne suce pas que de la glace. Non, donc, ma voisine. Ah, c'est ma voisine, pardon. Bah, votre femme, on s'en fout. Hein, mais... Elle va être contente. Ça ne nous regarde pas, en même temps. Elle va être contente. Hein. Alors d'ailleurs, en venant, on a vu des affiches pour la fête des voisins. Est-ce qu'elle sera là à la fête des voisines? Ah oui. On ne sait pas si on a toutes la même voisine. Ah oui, je serai là. J'ai décidé, je serai là. Bon, j'emmènerai une quiche. Elle va sonner à toutes les portes. Au ton. Donc c'est une pièce. C'est une pièce que vous jouez au Théâtre d'Edgar à Paris. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Hein, oui. Que vous jouez depuis combien de temps maintenant? Depuis début avril. D'accord. Et alors, est-ce que quelqu'un peut nous faire le pitch de la pièce? Ah, attention. Salim. Alors Salim, le pitch. Oui. Donc que se passe-t-il si l'on réunit dans la même pièce un mec qui pensait passer une soirée tranquille, un obsédé et une hystérique? C'est moi. Donc Grégory, célibataire pour une semaine, pensait passer une soirée tranquille entre amis, voilà. Mais malheureusement Laurent, donc moi, son meilleur ami, tombe sur la nouvelle voisine de Grégory. D'accord. Voilà. Il sait qu'il l'a déjà vue quelque part. Voilà. Mais où? Mais là, où? C'est le suspense. Mais où? Et donc où je l'ai vue? Dans un film pornographique. Ça a un lien avec la côte de Maurice. Ça devient intéressant. C'est très croustillant. Comme Maurice. Bon, alors j'imagine qu'effectivement c'est une pièce où on pleure pas. Non. Ça dépend comment on y est. C'est un esprit. Non, ça part en vrille totale. C'est un vaudeville moderne pour relever un peu le niveau. Oui. Voilà. Que vous avez écrit ensemble. Comment non, ça s'est passé? C'est l'auteur Jérémy Vulc. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu? Il vous l'a écrit pour vous, la pièce? Ou c'est une pièce que vous avez recherchée? Comment ça s'est passé? C'est une pièce qui est écrite depuis pas mal d'années, qui se joue depuis 3 ans. Oui. Et que Jérémy a voulu reprendre. Donc il a fait appel à nous. Parce que nous sommes les meilleurs. C'est un grand succès, cette pièce. Ça fait très longtemps qu'elle se joue. Oui, elle a joué 2 fois à Avignon sur 2 années. Elle a joué au petit gymnase aussi pendant quelques temps. Oui, ça fait partie des pièces de café-théâtre qui durent. Ouais. Tout à fait. L'année prochaine, elle passe au Vatican. T'as raison. Les troupes se renouvellent. Donc il y a des nouveaux comédiens qui arrivent. Et c'est ce qui fait que les pièces sont jouées pendant très très longtemps. Et qu'elles sont différentes aussi, parce que même si on l'a déjà vu il y a 4-5 ans, effectivement. C'est une autre version. Effectivement. Voilà. Donc, moi, il y a un exemple que je prends souvent, c'est le rôle d'Isabelle. Isabelle. C'est Sabrina. C'est moi, oui, bien sûr. Qui, selon Sabrina, est complètement différent, effectivement. Voilà. Et alors, vous avez donc le metteur en scène de cette pièce. Il alors... est également l'auteur, Jérémy Vulc. D'accord. On l'aura bien cité ce soir, il sera content. Oui, c'est Jérémy Vulc. Voilà, oui. Voilà. Jérémy Vulc. 06 86 53 45. Et le numéro complémentaire est le 22. Voilà. Et alors, est-ce que c'est une pièce tout public malgré son titre? Oui, oui. Alors, c'est, alors oui. Ça, c'est un truc. Voilà, c'est pas c'est aussi vulgaire que le titre. Enfin, encore non. Que le titre a été détourné parce qu'en fait, ça vient de l'expression elle suspecte des glaçons, qui veut dire elle ne boit pas que de l'eau. Oui. Donc en fait, oui. Voilà, c'est un peu détourné et c'est pas du tout vulgaire. Ah, t'avais pas compris ça, Bob? Ah si. D'accord. Il est plus là. Lui. Est-ce ouais. qu'il y a des Esquimaux vendus à l'entracte? Il n'y a pas d'entracte. Il n'y a pas d'entracte. Il n'y a pas d'entracte. Ah. Puisqu'elle dure une heure. Donc elle dure une heure la pièce. Ouais, est-ce qu'on peut terminer cette émission vite? Non, justement, parce que alors vous allez voir. Donc bien sûr, on va reparler de la pièce au fur et à mesure de la soirée. Mmh. On aura la chance tout à l'heure de nous faire un petit extrait, évidemment. Vous avez participé à l'émission. Vous allez voir qu'il y a de tout dans cette émission. Il y a à boire et à manger. À boire grâce au service de René. Et des glaçons. Et oui, il y a des glaçons aussi. Et puis, alors, il y a plein de choses. Il y a des jeux. Il y a des tournées de blagues que vous avez pu préparer. Il y a des épreuves. Cette émission est déjà une épreuve. Oui. Et la première, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, chers amis, vous formez deux équipes. Et pour que les auditeurs qui nous écoutent nombreux puissent suivre l'émission, on va vous demander de baptiser l'équipe de Bob, Maurice, Gégé et Julien. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à un petit nom d'équipe? Hospice. On a plein d'idées. Ah, Sabrina avait une bonne idée tout à l'heure. C'était quoi? Non. Si, si, non. Si, si. Si, vas-y, je Sabrina. Je ne vois pas de quoi moi, ça me plaisait parler. Bien. Vas-y. C'est... Bon, c'était mou du gland. Moi, ça me plaisait bien. Moi, ça me plaisait bien. Enfin, pour ceux qui en ont encore un. Hein. Oui, mais non, mais c'est... on va pas vérifier. Julien, dis quelque chose, Julien. Parce qu'on commence gland, mais on finit chaîne. Oh! Attends, je d'accord, dire... c'est une émission intellectuelle. Voilà, on avait oublié de vous dire qu'on a un intello parce qu'il nous est imposé par le CSA. Ah, oui. Voilà. Il dit 2-3 trucs dans la soirée, mais c'est bon, après on est. Je touche les droits d'auteur uniquement. Voilà, c'est ça. Alors, Bob. Bon, vous... Oui. Est-ce que enfin, c'est facile. Hein. Ah, alors. Le titre est sur l'affiche. Les suceuses. Non! C'est violent. Ah, ça, c'est très fin. Ça anime Jean-François. Parce que bout du gland, c'est fin. Donc j'ai tout noté, voici pour le premier point de la soirée, donc c'est la première équipe qui donne la réponse, qui gagne cette première question. Alors c'est le premier qui a la réponse, qui donne la réponse et qui donne le point à l'équipe si la réponse est bonne. Attention. Alors qui était la fameuse Goulue? La Goulue. Attends, je regarde sur mon iPhone. Alors c'était la Sabrina. La Goulue, c'est une chanteuse. C'est Sabrina, Marina ou Cindy? Non, c'est pas une chanteuse. Donc elle avale tout. C'était une danseuse du Moulin Rouge. La Goulue, oui. C'était une danseuse du Moulin Rouge. C'est le French Cancan, oui. Voilà. Julien, qui a été immortalisé par... Oui. Par, par Toulouse-Lautrec. Et voilà. Ah. Mais la bonne réponse était quand même arrivée de l'équipe des chanteuses, donc... Donc, normal, c'est Goulue, normal, ils s'appellent les Frédéric, suceuses aussi. Et mes applaudissements alors. Dans quelques instants, là où il va falloir chercher autre chose, c'est la tournée de blagues. Donc vous avez révisé les blagues. Il n'y a qu'une question. Il y a une, pour l'instant. D'accord. Mais juste après cette courte pause, il y aura la première tournée de blagues. Donc restez avec nous, on revient avec l'équipe de Maurice. Oh là là. Bravo Maurice. Faut suivre. Maurice, tu pousses un peu trop loin, Maurice. J'arrive, j'arrive. Je crois qu'il est marcoleptique. Ma voisine ne suce pas que de la glace. Bravo. Bravo. Retour d'Anvers Marais. Ouais. Avec l'équipe nous revoilà. La voisine ne suce pas que de la glace. Non, les filles, laissez faire Maurice parce que c'est son job. Ne le troublez pas. Ne le troublez pas. Et sinon, après, il est. T'as un bout de cacahuète. Maurice. Alors, avec l'équipe de. Ma voisine ne suce pas que de la glace. Bravo. Et c'est au théâtre Edgar. Où ça? Au théâtre Edgar. Où ça? C'est à Paris, mais bah ça, Edgar Quinet. Dans le 14e c'est... arrondissement. Vous avez déjà envisagé d'aller. Titiller un peu la province On en parle. Il vient de titiller la province. On y vient petit à petit. On attend de monter un petit peu en grade à Paris, à Edgar, pour pouvoir bouger un petit peu. Mais c'est... Ça serait bien. Oui, hein. c'est dans nos objectifs. Bon, et en Belgique aussi, parce que c'est vrai que vous savez que les Belges, notamment à Bruxelles, il y a beaucoup de café-théâtre, on aime bien se marrer. Ah oui, bah pourquoi pas. Et puis vous pouvez jouer là-bas avec des accents belges, hein, frère. Ah oui. On avait dit pas d'accent. Ah non, on a dit pas d'accent, ou alors ta gueule. On va te faire refaire, hein, Alien. Voici la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. La petite blague de Juju. Oh, il a un petit nom maintenant. Une blague gentille pour commencer. C'est un monsieur qui a du mal à avoir des enfants avec sa femme. Et il se dit qu'il va aller prendre des conseils auprès de son voisin d'étage qui, lui, a une très grande famille. Il a 7 enfants. Donc, il se dit qu'il a peut-être des conseils prodigieux à me donner pour avoir des enfants. Donc, il va frapper chez lui, un petit peu embêté, et il lui demande, voilà, je sais que vous avez beaucoup d'enfants. Moi, avec ma femme, on essaye depuis quelques années, on n'en a pas. Est-ce que vous pourriez un petit peu me donner des idées, des pistes, des astuces ? Alors, le type le regarde et lui dit, bah, écoutez, c'est bien simple, vous prenez un balai et un savon. Alors, l'autre, il dit, bah, un balai et un savon, bah, je comprends pas, comment ça ? Il lui dit, bah, écoutez, avec le savon, vous lavez votre femme, et puis avec le balai, vous tapez sur le plafond, et puis je descends. Oh, ça commence bien. Alors, une petite mignonne de GG. Bonjour, monsieur le poissonnier. Je voudrais avoir 100 grammes de morue, s'il vous plaît. Demande la petite fille. Bien sûr, c'est pour quoi faire. C'est pour que les culottes de ma poupée sentent comme les miennes. Non. Les filles sont consternées. Ça sent l'expérience quand même. Oui, voici la blague de Maurice avec son sponsor. France Alzheimer présente la blague de Maurice. Allez, vas-y, Maurice. Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire ? Parce qu'elle n'a pas de bras. Oh. Allez, bien. Allez bien. C'est une émission pédophilie parce qu'on parle que de petites filles depuis tout à l'heure. Je sais pas, on va voir avec Bob. Mais bon, on m'expliquera après l'émission. Voilà. Ouais, oui, ben Maurice va te raccompagner si ça t'arrange. non, ça va aller. Alors, c'est un gynécologue qui sort de la salle d'accouchement en disant « Alors, putain, je viens de me faire un 3-9-1 ». Alors, il y a une cliente qui est dans la salle d'attente. Une patiente. Une patiente, oui. Excusez-moi, docteur. Ouais. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, un 3-9-1 ? Bah, c'est facile. 3 minutes de plaisir. 9 mois d'attente et une bouche de plus à nourrir. Allez bien. Bon. Qu'est-ce que tu veux passer derrière ça, toi ? Bon. C'est une mission diplomatique avec trois diplomates dedans, dans un avion qui s'écrase en pleine jungle. Il y a un Français, un Américain, un Belge, comme d'habitude. Et ils sont immédiatement capturés par la tribu locale. Et le chef, donc, leur dit, aux trois, il dit, bon... comme aujourd'hui, nous avons récupéré... Ah. Non, je ne fais pas l'accent. L'accent. Je ne me moque pas de Christiane Taubira. Alors, j'ai rien dit. Sur Christiane Taubira ? Alors, voilà. Bon, comme aujourd'hui, nous avons récupéré assez de viande pour passer l'hiver, je vous propose un marché. Si vous voulez rester en vie, il faut passer 2 épreuves. La première, vous nous ramenez chacun 100 fruits de la forêt vierge. Et pour la deuxième, on verra plus tard. Alors, l'Américain, il s'offusque. Il dit « Je suis américain, je m'oppose à toute forme de chantage en vertu des droits de l'homme. » Le chef du village, il arrive, il coupe la tête. Bon. Le Belge et le Français sont un peu tétanisés et ils acceptent. Donc le chef donne à chacun un sac et il les amène à la forêt pour qu'ils cueillent leurs fruits. Et donc le Français revient le premier avec un sac plein de litchi. Litchi. Le chef, il dit « Bravo, c'est très bien. Alors maintenant, nous pouvons passer à la deuxième épreuve. Il faut que tu te rentres un par un chaque fruit dans le cul, sans crier, sans rire et sans parler. Et après, nous te laisserons la vie sauve. » Alors le Français, bon, il s'exécute avec les litchis, avec beaucoup de mal. Alors un litchi, deux litchis, trois litchis, 97e litchi. On vous offre un petit saké. Et tout d'un coup, il éclate de rire. Et le chef, il l'attrape et il lui dit... mais il lui coupe la tête directement, puisqu'il n'a pas rempli sa mission. Il arrive aux portes du paradis, et Saint-Pierre lui dit « Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai suivi toute la scène. J'ai regardé. Vous aviez pratiquement réussi la deuxième épreuve. Comment ça se fait que vous avez craqué au 98e litchi ?» Et le Français qui dit « C'est la faute du Belge quand je l'ai vu arriver avec ses noix de coco. » Tout ça pour ça. Oui, oui. Merci à Claude Lelouch. Voilà, j'ai pas trouvé plus court. Sabrina ? Moi, c'est un petit truc mignon. Ah ! Qu'est-ce qu'un vent qui pue la carotte ? Le pet d'un lapin. Ah bah, oui, mais oui. Elle est mignonne. Ah oui. Les blagues de Sabrina avec la chaîne Gulli. Alors, Marina. Alors, moi, c'est un proverbe sud-américain. Ah. Ne cours ni après un homme, ni après un bus. Il y en a toujours un autre qui arrive. Très bien. Une petite touche de féminisme. Ah oui. Alors, Cindy. Moi aussi, c'est très mignon. Ah. Alors, c'est deux clitoris qui se rencontrent. Ça y est, on dit clitoris. On dit voilà, clitoris, j'adore. Tout le monde. L'un dit à l'autre, il paraît que tu es frigide. L'autre répond, bah, ce sont les mauvaises langues qui disent ça. Non, mais il y a des mots déclencheurs comme ça, tu vois, clitoris, sodomie. Je savais que ça allait vous faire plaisir. Voilà. Une petite vanne féministe aussi. Ça, c'est cadeau, ça. Alors, Jean-François. Alors Jean-François, eh bien c'est un monsieur qui passe sa soirée dans un bar, donc voilà, un petit bar sympathique, piano-bar, ambiance détente, et puis donc il sirote tranquillement son petit whisky au bar, et d'un seul coup, il y a un singe qui descend du haut du bar, qui trempe ses couilles dans son verre et qui repart. Alors le type est très surpris, vu l'ambiance du bar, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il questionne un peu le barman dit, écoutez, non, on n'a jamais eu ce genre de signalement ici. Donc l'homme se fait resservir un autre verre de whisky, puis continue de boire tranquillement. Et là, de nouveau, le petit singe qui descend à toute vitesse, qui trempe ses couilles dans le verre et qui repart. Le type en revient pas, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il prend un troisième whisky, un quatrième, et à chaque fois, il y a le petit singe qui descend, qui trempe ses couilles et qui repart. Alors au bout d'un moment, n'y tenant plus, il se décide à aller voir le pianiste, qui est là depuis très longtemps. Il va voir le pianiste, il dit, excusez-moi, mais le petit singe qui trempe ses couilles dans mon whisky, vous connaissez? Et le pianiste lui répond, bah, écoutez, sifflez-moi les premières mesures, j'essaie de vous le jouer. Pas mal, ça. Franchement, bon, alors Salim. Alors moi aussi c'est une blague très mignonne. Hein. Ah. Donc ça c'est un... Merci. Je vous l'ai dit en début d'émission. Hein. Donc c'est un homme de 28 ans qui a une très bonne situation financière, qui est marié, mais qui a un seul problème, et un gros problème à ses yeux, c'est qu'il a une calvitie grave. Ah. Voilà, donc il est parti voir plein de médecins, il a fait tout et n'importe quoi pour essayer d'avoir des cheveux, et rien ne fonctionne. Et là, un jour, un pote à lui, Julien, l'appelle. Il lui dit « Allô, Steph, écoute, j'ai trouvé la solution pour tes cheveux. C'est d'office. Tu te masturbes, tu éjacules, tu prends le sperme, tu le mets sur ta main et tu te le mets sur la tête après. Et dès demain matin, tu auras des cheveux qui poussent. » Il fait « Mais arrête, tu te fous de ma gueule. » Il fait « Mais regarde hein !» Il dit « Ok, bon. » Il rentre chez lui, il commence à travailler. Je vous évite les détails. Et à un moment, sa femme rentre et elle le trouve comme ça en train de se masturber et elle lui tape un scandale. Mais je te suffis plus, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait non, mais chérie, écoute, moi je t'explique tout. Je fais ça, je prends le sperme, c'est pour avoir des cheveux, c'est un produit, c'est un remède. Elle aurait dit, espèce de connard. Si ça marchait vraiment, il y aurait longtemps que j'aurais une barbe et une moustache. D'ailleurs, il y en a. Il y en a qui a une barbe là. D'ailleurs, Salim est barbu. Je suis barbu et chevelu et moustachu. Et poilu. Ça doit être sympa les soirées chez toi. Dans quelques instants, on va en savoir un petit peu plus. On va essayer d'en savoir un peu plus des comédiens de la pièce. Hein, et on va les cuisiner un petit peu pour savoir comment ils en sont arrivés là. Mais avant cela, on va laisser un petit peu de musique passer, Maurice. Je crois que tu avais un disque d'accordéon à présenter. Exactement. Vas-y, André Verschuren. Allez, on revient juste après la pause avec l'équipe de... Ma voisine ne suce pas que de la glace. Ouais. Retour d'On va se marrer. Ouais. Avec Salim, Jean-François, Cindy, Marina et Sabrina, l'équipe de... Ma voisine ne suce pas que de la glace. Ouais, on récupère un petit peu au théâtre d'Edgar, dans le 14e arrondissement, du lundi au dimanche, et du lundi au vendredi à 21h30, le samedi à 21h15, à 20h. Ah non, c'est... Non. Ne vous battez pas. Du lundi au vendredi à 21h30, le samedi à 21h15 et 22h30, et le dimanche à 20h. Voilà. Qu'on se le dise. Vous avez un Facebook, j'imagine? On a un Facebook, on a une page, effectivement. Et si vous payez cher, on vient chez vous vous faire en live. Ah enfin, on envoie que la voisine. Hein. Si vous... Ah bah là, dites pas et ça, il si y a des obsédés qui écoutent. Si vous rajoutez un petit billet, bah, Cindy se met nue. Ah. Dans la pièce, je me mets nue. Dans la pièce, c'est pour ça qu'il faut venir. Il n'y a pas que Cindy qui se mettra nue. C'est pour ça que la pièce marche. Il y a Bob qui sort ses tickets restaurant, cet enfoiré. On rend pas la monnaie, Bob. Non mais vous pouvez peut-être faire des avoirs. Il sera mort d'ici là. Ah hein. Oh, c'est un festival. Quel métro, attends. Ah bah nous aussi. Alors nous ça nous a... Bah toi aussi. Enfin, en tout cas, ce sera pas tard. J'ai pas osé. Pas mal. Et les tickets de métro, c'est en quelle zone jusque là ? Septième ciel. Les zones. Zone illimitée. Zone érogène. Nous, c'est vrai qu'on aime bien quand on reçoit nos invités savoir un petit peu comment ils en sont arrivés là, c'est le cas de le dire. Alors là vous êtes nombreux, mais c'est quand même, on va essayer de le savoir. Sabrina, alors comment tu es arrivée à Ma voisine ne suce pas que de la glace ? Eh bien, j'ai couché. Je suis ah. comme Cindy, en moi, fait. Moi, je fais que coucher. Hein. On fait que coucher. Ah, bah, non. Non. Tu faisais déjà du café théâtre ? Non, j'ai fait des cours Simon et après j'ai atterri dans l'école de Dieudonné, mais faut pas le dire. Oui. Et donc ouais, après. C'est un très bon comédien quand il parle pas de politique. Ouais, exactement, et une très belle plume. Et donc, très bonne plume. Ça nous regarde pas. Très bonne plume, pardon, je reformule. Oui. Et donc, on m'a donné l'opportunité de jouer au Café de la Gare et après, j'ai atterri au Café d'Edgar. Très bien. Voilà. Bon, beau parcours, Marina. Voilà. Alors moi, je viens du Sud et par tous les chemins. D'abord, moi, j'ai fait un bac littéraire option théâtre, à Avignon, justement, ville de théâtre. Voilà. Et après, je suis montée à Paris pour faire un conservatoire de comédie musicale. Voilà. Ah, c'est pour ça que tu chantes si bien. Ouf. Parce qu'il faut dire que Marina fait de très bonnes imitations. Ah oui, ça c'est pas possible. Ce sera peut-être le bonus. Elle imite qui ? Un petit coup de Céline Dion. Ah oui. Non, Vanessa Paradis, Paradis. Oui. Ah, ne vous battez pas. C'est notre Véronique Dicker à nous. Ce que tu veux. Déjà, je voudrais vous dire que je suis tellement contente d'être avec vous. C'est Céline. Bon, c'est pour Las Vegas encore, mais bon, c'est l'ange jumeau, c'est déjà pour moi. Il y a tellement content d'être avec les mous du gland. Et Marina, il y a plein de drones en face. Parce que ouais, c'est ça. Parce que dans le Grand Nord, il y a beaucoup de glands. Céline ne suce pas que des glaçons non plus. Ah Céline, ah non, pas du tout. Mais sinon, j'aurais pas eu une Charles. comme imitation, écoutez, Vanessa Paradis quand elle était toute jeune. Mais là, je suis un peu enrhumée donc. Alors, attendez. Dieu le taxi vit sa vie, l'herbe mambo embouteillage. Vas-y, Joe. Et maintenant, Cindy va nous imiter Annie Cordy. Au revoir. Et donc, audition, casting, tout ça. Et puis, on se retrouve sur les projets café-théâtre. Bah alors, Cindy et toi ? Yeah ! Bah moi, j'ai vu la lumière, je suis rentrée. Et ton prix ? Ah bah, c'était bien. Elle a couché aussi, mais je couche tout le temps. Plus avec que des moi. Glaçons, ouais. Ah ! J'adore. Bon, alors, t'es la chaude de la pièce. Hein. Voilà, moi, je suis la voisine. Non, c'est la fausse chaude de la pièce. Ah bon ? Ah bah, je sais pas, on me fait des signes. Moi, je croyais que c'était la chaude. On appelle ça une allumeuse, non ? Ah. C'est ça. J'allume, j'éteins pas. Alors, moi, je suis normande. Voilà, j'étais prof en Normandie. Et j'ai fait plein de cours de théâtre en Normandie. Je suis arrivée à Paris, j'ai fait d'autres cours. De là, j'ai fait de la télé. Voilà. Chez France 2, Direct 8, je donne des chaînes au hasard. Et j'ai rencontré comme ça le metteur en scène et auteur, Jérémy Bull, qui m'a proposé la pièce. Super, c'est un beau parcours aussi. Hein. Et Jean-François ? Eh ben moi, en fait, après quelques années passées au cours Michel Galabru... Bien sûr. Voilà, j'ai décidé de me lancer un été. J'ai fait Avignon... De fond en comble, sur tous les combles. Et puis, c'est en Avignon que j'ai croisé l'auteur qui m'a proposé sur à la rentrée pont. De venir faire une lecture de sa pièce. Et de lecture, 5 jours plus tard, j'étais sur scène. Voilà. Ah c'est pareil, c'est une belle histoire. Alors, quelle rencontre ! Salim ! Alors moi je viens d'un pays du soleil. Non, c'est pas le pays du soleil. Ouais. Vous ne le voyez pas mais il est très frisé. Voilà. C'est partout. Ça s'entend. Ah, il y a des connaisseuses. Hein. Tout le monde est passé par là. Ah non. Première nouvelle. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Ah non mais parce qu'il y a eu beaucoup de répétitions. Il y avait du. T'as quand même un chapeau d'exploratrice. Dora. Non mais c'est parce qu'il y avait du GHB. Mais non mais parfois vaut mieux présenter ce qui se passe. passe dans les coulisses que le spectacle en lui-même. Ah oui, c'est ça qu'on vous a pas dit, c'est qu'en coulisses, c'est encore mieux que la pièce. Ah, c'est non, à quelle heure en coulisses, du lundi au dimanche? 9h30. Bon, on commence toujours une demi-heure avant. Je suis jeune, j'ai 20 ans. J'ai commencé il y a 3-4 ans. Est-ce que nous, on est vieux peut-être? Bah, vous êtes déjà plus vieux que moi. Oui, vous avez déjà tous 10 ans de plus que moi. Coupe les micros, ils vont se battre. Coupe les micros. Et j'ai fait acting international et ensuite 3 ans d'acting, j'ai fait 3 ans d'école et j'ai rencontré ensuite Stéphane Martineau qui m'a mis sur les emmerdes commence. Autre auteur de pièces. Autre auteur de pièces qui lui après de fil en aiguille en travaillant au théâtre d'Edgar, j'ai fait plusieurs autres projets. Bon ben on voit que nos cinq comédiens ont tous un parcours sympa qui les a donc réunis autour de cette pièce. Maurice, dont tu nous rappelles le titre? Ma voisine ne suce pas que de la glace. Alors on va reparler de la pièce tout à l'heure, vous allez nous faire un extrait, ça c'est promis. Et on a donc une autre épreuve à vous proposer pour un nouveau point. C'est une épreuve qui s'appelle Tepaka. Le principe est très simple, c'est un jeu d'enchères. Attention Philippe. Je vais vous demander combien à votre avis... Non, faut pas jouer à ça avec nous. Combien à votre avis êtes-vous capable de me citer de villes parmi les 20 villes de France les plus peuplées? Les plus peuplés. Donc il y a 20, les 20 villes, il y a un classement qui existe officiel. C'est ça la question. Voilà, il y a les 20 villes de France les plus peuplées. C'est difficile à dire. Marrakech. Voilà. Ah non, de France. À certaines périodes, c'est très français. au niveau du Paris-Dakar. 20, c'est beaucoup, 20. Il y en a 20. Alors combien sur 20 êtes-vous capable de me citer? 12. Est-ce que les Mouches du Gland, vous faites plus que 12 parmi les 20? Attention, s'il y a une erreur, c'est perdu. Hein. Ah oui. Tant. 13. 13. Est-ce que vous êtes capable d'en citer plus de 13? Non, moi je serais vous, j'arrêterai là. Moi je serais vous, je laisserai se démerder avec 13, mais faites ce que vous voulez. Est-ce que les suceuses vous dites 14? Non. Vous avez donc 13 villes à me citer parmi les 20. Mais non. C'est parti, je vous écoute. 14. Oui, non, vous en avez 13 à me dire. Paris, Marseille, attends. Paris 1, Marseille 2. Pas tout le monde. Lyon 3. Bordeaux. Mais vous avez 4, révisé, Toulouse, vous l'aviez la question. 5. Lille. Alors attention. Lille. 6. Caen. Strasbourg. Et non. Ah non. Strasbourg. Non, mais on n'a pas fini. Je vais vous dire une chose quand même, c'est que vous avez la chance, parce qu'en fait, sans rien dire, vous marquez le point, puisqu'ils ont échoué, puisque non, il n'y a pas Caen. Il y avait Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Rennes, Reims, Le Havre, Saint-Étienne, Toulon, Grenoble, Dijon, Angers, Saint-Denis, Villeurbanne, qui est la dernière. Saint-Denis, je l'avais. Saint-Denis de la Réunion. Nantes, on l'avait. Saint-Denis de la Réunion, tout à fait. Tout petit. 145 209 habitants. Le point est marqué pour vous, ce qui est une bonne chose. Donc, c'est bien les filles. Pour nous récompenser de vous avoir fait marquer un point, moi je propose qu'après cette courte pause, vous nous fassiez un petit extrait du spectacle. D'accord. C'est possible ou pas? C'est allez, parti. On revient avec l'équipe. Oulala. Ma voisine ne suce pas que de la glace. Bravo. Juste après la pause. Alors, retour Donbass Marais. Alors, nous ne sommes pas au Théâtre d'Edgar à Paris, mais bien dans l'émission et en direct pour nous. Voici un extrait de la pièce. Ma voisine ne suce pas que de la glace. Oui. Ouais. Mais ma chérie, c'est toi que j'aime. Ah oui. Eh bien, si c'est moi que tu aimes, embrasse-moi. Hein? Non. Surprise. Oh, Charlotte. Oh bah non, moi c'est Martine hein. Oh, oui. Oh putain, c'est pas du tout à ça que j'avais pensé. Ah mais que tu pensais, comment ça? Écoute, on est dans la merde et c'est tout, ok? Ah oh, d'accord, ok. Et toi, ça ne te fait rien? Je suis furieuse. Je comprends. Furieuse que cette Charlotte veut faire tout foirer. Oh, il y a toujours des filles qui viennent toujours tout foirer. Ouais. Ah, moi je vous dis, ils ont pas l'air de s'être calmés. Mais comment tu peux me dire qu'il se passe rien entre toi et cette poufiasse? Attends. C'est qui tu traites de poufias là? T'as pas une petite idée? T'embrasses mon mec et je devrais rien dire? Excuse-moi, ton mec, c'est vite dit, hein. Vous êtes séparés depuis pas mal de temps. Combien déjà, Laurent, tu m'as dit? Ne l'embrasse pas, Laurent. Qu'est-ce que t'as été encore raconté comme connerie? Écoute, Charlotte, je vais tout t'expliquer, c'est très simple. Mais bien sûr que c'est très simple. Pendant que je pars en vacances chez mes parents, là, vous la secouez sans problème, hein, c'est ça? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Oui, quand la chatte n'est pas là. Franchement, Laurent, super ton plan. Moi, je suis dans la merde jusqu'au cou. Mais je pouvais pas savoir que ta nana allait se pointer. Bah, et moi donc. Bon, les messes basses, c'est terminé. Grégory, tu fais tes bagages et tu vas dormir où chez ta pouf ou chez Laurent, comme tu veux. Ouh. Oh non mais attends, mon amour, tu peux pas faire ça. Et toi, tu peux organiser des partouzes chez moi quand je suis pas là, c'est ça? Des partouzes? Non, ouais. Attends, qui a parlé de partouzes? Mais partouzes, mais qu'est-ce que c'est? Non, partouzes, c'est au poker, on parle de partouzes de poker. Voilà. Ah, tu comprends. D'accord, j'ai compris. Non mais parce que moi je pensais que c'était quand on faisait l'amour à plusieurs. Oh, tu vois, elle avoue. Mais j'avoue quoi? Que t'es une partouzeuse et que vous aviez rendez-vous ce soir pour faire une orgie romaine. Oh, mais pas du tout, du tout, du tout. Attends, moi je suis venue ici chercher Mathieu. Voilà. Mathieu? Oui. Ma pauvre fille, t'as pas compris que ton mec se tapait toutes les filles de Paris? Quoi? Charlotte, arrête, t'es une arrête, tu dis n'importe quoi là. Oui, tu dis vraiment n'importe quoi et ça va foutre un de ces bordels. Je comprends rien à ce qui se passe ici. C'est un peu compliqué. Ah, non, mais tu me caches quelque chose sur Mathieu, je veux savoir quoi. Et en plus, vous avez commandé chinois? Ne bouge pas, je vais payer, ça me fait plaisir. Merci. Bon, alors, la suite. Il y a de l'énergie. La suite, c'est au théâtre d'Edgar tous les soirs. C'est très, très rythmé. On sort avec les chemises et les strings mouillés. Ah. Oui, ça, j'imagine. Parce qu'il y a une course-poursuite. Ah. Dans tout le 14e arrondissement, hein, de Montons-du-Vernay à Alésia. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas louper le début, en fait, hein, parce que sinon, si on est 10 minutes en retard, c'est mort, après. On se dit, qui est cette fille? Effectivement. Mais là, on a bien compris que vous avez planté le décor tout à l'heure, on a bien compris ce qui se passait. Et donc, on a aussi compris qu'effectivement, c'était une pièce. Contrairement à Maurice qui a planté sa voiture, il n'y a pas C'était une pièce à 200 à l'heure. Ah oui, ça va très très vite. Ça va très très vite. Et tous les soirs, c'est comme ça. Tous les soirs, c'est comme ça. Il n'y a pas un soir où c'est un peu plus mou ou... On n'a pas intérêt parce que sinon, on les perd. On n'aime pas ce qui est mou. Voilà, ça. Et c'est. Alors... Désolé, Bob. Et alors, est-ce que c'est toujours la même configuration? Est-ce que c'est toujours tous les cinq qui jouent? Alors, oui. Non, je plaisante. Non. Non, il y a une deuxième équipe. C'est juste la meilleure équipe qui est venue faire la promo. Voilà. Il y a une deuxième équipe qui tourne aussi. Vous voulez les noms? On peut les citer. Qui joue à l'heure actuelle. Qui joue d'ailleurs ce soir. Comment ils sont actuellement sur scène? Oui. Alors, il y a Marguerite Dabrin. Oui. Audrey Goulet. Lydie Missek, pardon. Jean-Marc Desmond. Et Jérémy Vull, qui est à la fois auteur. Il fait tout ce homme-là. Ben oui. Voilà. Ah oui, non. Il est assez Dierky. Incroyable, Jérémy. Voilà. Et des fois, il fait la voisine. Fais pas ton faillot. Et parfois, il fait la voisine aussi, mais c'est entre nous. Et en privé, oui. Voilà. Donc, pour en savoir plus, vous avez compris tout à l'heure, la page Facebook donc, de Ma voisine ne suce pas que de la glace, Maurice. Oui, et c'est au théâtre d'Edgar. Et c'est 58 boulevard Edgar Quinet, dans le 14e arrondissement à Paris. Alors, j'ai pendant que vous faisiez votre petit extrait, j'ai tiré au hasard. Ça fait des années que tu tires au hasard. Deux cartes dans le boîtier du Trivial de 1991. Oh là là. 91, c'est j'étais même pas né. Bah mais oui, la date est importante. Ça tombe bien, en 91, j'étais championne du Trivial Poursuite. Parfait. J'ai cru que tu allais dire, ça tombe bien, en 91, moi, j'étais chaudasse. Toujours. Et en fait, non, c'était plus calme non, que c'était ça. Plus calme, hein, plus réservé. C'est une image que tu donc, te donnes. Donc, il y a deux cartes. Une carte par équipe, 6 oui. questions par carte. Le but oui. du jeu étant de répondre au plus grand nombre de attention, questions. Attention parce qu'on voit les réponses. Arrête de bouger, j'arrive pas à voir la réponse. Et donc de répondre au plus grand nombre de questions. Si vous ne savez pas répondre à une question, l'équipe adverse peut répondre à votre place et marquer le point. Si vous avez la réponse sans vous concerter, car vous avez le droit de vous concerter avant de donner la réponse. Si toutefois vous avez une réponse comme ça qui vous vient sans vous concerter, la bonne de préférence. Ah oui, la bonne. Il faut dire cash. Cash, donnez la réponse et là c'est 2 points pour votre équipe. Alors je fais choisir à Bob parce que sinon il y a toujours des contestations. Bob, la carte numéro 1 ou la numéro 2 La 1. La 1. Celle-là. Oui. Et on va commencer par l'équipe tu qui est menée. Pas changer, là. Non, c'est celle-ci que tu as choisie. Ah bon. L'équipe des Mous du Gland. Ah. Donc c'est leur carte. Donc nous pour l'instant on ne répond pas. Voilà, on les laisse répondre sauf Cistron. Bob. Oui. Maurice, Gégé et Julien. Oui. Quelle star du cinéma dès 1929, grâce à Loulou, abandonna l'écran 10 ans plus tard à 32 ans. Louise Brooke. Cash. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Cash Louise Brooke. Voilà, 2 points. C'est pas tout à fait vrai. Bravo. Oh, c'est ça Louis. Y est. C'est on Louis. T'emmerde, connasse. Cette soirée est proposée en partenariat avec la Cinémathèque française. C'est Louise Brooks. Oui, oh. Combien d'enfants Dick Tracy eut-il dans ses aventures en bande dessinée? Dick Tracy, le personnage joué par Warren Beatty au cinéma. Dans la bande dessinée, combien il avait de mioches? Combien il avait de chiens? 5. 8. 5. Alors, 5 ou 8? On pourra boire en 2. Vous me dites 5? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Salim, toi qui es spécialiste 7. De bande dessinée. Moi, je dirais 8. te fie pas à Maurice. 7. Non, je dirais 8. Ah, 8. Les autres, ça vous 8, va 8 7, oui. Bon, alors, c'est, rassurez-vous, c'était 1. Bon, d'accord. Bon, bon d'accord. Mais c'est la, voilà, 8 divisé par 8. Mais, alors, Maurice, dans quel fleuve Mao Tse-Tung a-t-il nagé en 1966 pour prouver sa bonne santé? Le Nil. Cache. Le Yangtze-Kiang. Tout à fait. Correct. Ils sont forts ce soir. Hein. Ah, sur l'Asie, il ne faut pas en raconter à Bob. De quel pays est originaire Harry Locke, l'un des quatre policiers de la série 21 Jump Street? De quel quoi? De quel pays est originaire le comédien Harry Locke, qui joue le rôle d'un des quatre policiers de la série 21 Jump Street? Alors, Harry Locke. Cash, le Japon? Non. Ah, ah non, foiré. Parce que Frédéric a essayé de souffler une mauvaise réponse. Bah oui, j'aurais soufflé une connerie. J'en sais rien, je sais qu'il est asiatique, mais alors d'où? Il est asiatique, mais alors... Thaïlandais, non? Alors, peut-être du Vietnam. Non, ça y est, on a déjà répondu. Vous voyez 21 Jump Street, la série? Non, on a déjà avec Johnny Depp. Avec Johnny Depp. Mais on se souvient que de Johnny Depp. Voilà, c'est ça. Sabrina a quand même levé la main pour manifester qu'elle connaissait la réponse. Alors, on attend ta réponse. J'allais dire Johnny Depp. Ah oui, non, mais quand ça commence par de quel pays, ça peut pas être Johnny Depp. Sabrina répond à une question qu'on ne lui a pas posée. C'est ça. Donc on dit le Vietnam par exemple, ça vous va? Moi je dirais la Thaïlande. Ah, bah la Corlande alors. Alors je dois vous dire que parmi ces trois réponses, il y en a une bonne. Ah. Oh, vendu. Non, mais j'ai pas dit laquelle, GG. Je suis sûr alors, qu'il fait des royalties. Non, mais j'ai dit, dit laquelle. Alors on dit la Thaïlande. Mais c'est la Thaïlande. La Thaïlande, et eh bien c'était le Vietnam. Bravo. Non mais écoutez-moi des fois, merde. Fred. Salim, tais-toi. Tu me l'as vendu 1000 euros l'info là. Combien, alors là c'est une question pour Bob. Ah oui. Combien de grandes pyramides de Khéops pourrait-on pourrait-on construire avec l'ensemble des débris retirés du tunnel sous la Manche? Bah c'est vrai qu'il a été témoin du chantier des pyramides, lui. Mais ça date de 91. Prends l'ancêtre. Ouais, oui. Il faisait partie des débris. Il, hein. Il est momifié depuis ce temps-là. Il l'avait creusé. Hein. Pyramide de Khéops. Voilà. Combien la grande. Voilà. Combien pas les Khéops. Hein. Combien attends, une seule. Khéops, c'est celui qui a inventé les cornflakes, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut quand même penser qu'on en a retiré du oui, du, oui parce qu'il y a combien de 35 km tous les non, je vais pas aider. Une. Alors, une. Non. Moi j'ai la migraine. Trois. Aucune. Trois. Eh bien, c'est une bonne réponse. Ah, bravo. Bravo. Prof d'histoire. Bah attends, Bob, on a creusé deux tunnels énormes. Si on prend toutes les pierres de la pyramide de Khéops, si on les met sur la frontière... On les divise par 4 et qu'on multiplie par la hauteur de la Tour Eiffel. De la France, ça fait un mur de 3 mètres. Oui. On n'a pas enlevé tout ça de... Ah bah écoute... C'est pour ça qu'on le fait pas, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Enfin, dernière question. Comment s'appelle... Attention, il y a une pièce... Nous sommes en 1991. Comment s'appelle l'unité monétaire européenne ? En 1991. Les culs. Les culs cash. Cash, les culs. Les culs. Ah, cash, les culs en plusieurs mots, ça, bien ça, sûr. Ça, les culs, tu sais. Hein. Ça, c'est une bonne réponse de GG. Applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissez-le, sinon il va faire la gueule. Alors, vous avez vu comment ça se passe. Donc, ça veut dire que juste après la pause, c'est votre carte. Donc, restez bien avec nous, car l'équipe de la pièce... Ma voisine ne s'use pas que de la glace. Se met dans les starting blocks pour sa carte juste après la pause. Retour d'Ombas Ambiance au théâtre d'Edgar à Paris avec l'équipe. Ma voisine ne suce pas non, que Maurice, de la glace. Maurice, pas avec. Excusez-moi, c'est le moment où j'engueule Maurice. Ah. C'est pas l'équipe ma voisine, ne suce, c'est l'équipe de ma voisine. Non, Non mais sois un peu ce que tu fais, Maurice. Exactement. Ah, non, alors, puis voilà, bon, il faut rappeler que cette émission est quand même diffusée à des heures où les gens sont éveillés. Hein, c'est pas. Oui, je me permets. La nuit. Je me permets quand même. Ah, Salim. Salim a une réclamation. Une réclamation, Maurice. Salim. C'est une pièce de boulevard rythmée. Voilà. Et donc le titre aussi doit être rythmé. Si ah oui, voilà. Un vaudeville moderne, c'est-à-dire tout l'inverse de Maurice. Mais non, moi, Maurice, je suis de Maurice. Vous avez malheureusement, on ne voit pas la tête de Maurice. Maurice. Si, si, si. Là, Maurice, c'est Maurice sans son orchestre. Hein. Oui, mais voilà. Maurice, je vous dis pas le nom. Et le nombre d'amis qu'il a sur Facebook, vous verrez tout à l'heure d'ailleurs qu'il a des talents magnifiques d'improvisation, puisqu'on va vous demander une petite une séquence d'improvisation avec Maurice. Ah oui. Ouh là là. Voici votre carte. Et là, ce sont des choses sérieuses qui commencent. Mmh. C'est votre carte. Ah ouais. C'est le même principe que tout à l'heure. Vous pouvez vous consulter. Le premier qui donne une mauvaise réponse, je l'éclate. C'est 20 euros la consultation. Je vous rappelle, Salut, t'es mort. Je vous rappelle que Fred est aussi bon joueur que Bob. Oui. Quel est le prénom de Madame Arsan et de son héroïne? Ah oui, Ça, c'est une question de génération. Hein, donc, question de cinéma. Vous pouvez pas répondre. Quel est le prénom de Madame Arsan et de son héroïne? Alors, si Frédéric tout, ne trouve répondre. Pas, vous le jetez par la tête. Oh. Ça, c'est son métier. D'accord. Le problème, c'est qu'il Frédéric. Va rebondir. Eh oui, il va rebondir, c'est vrai. Oui, c'est Frédéric, on a besoin de toi. Eh oui. Cash. Oui. Voilà. Emmanuel. Correct. Ah ouais, merci Fred. Emmanuel. Eh oui, Emmanuel, c'est écrit par Emmanuel Arsan. Effectivement, c'est ce que Google vient de me dire aussi. Ne trichez pas. Hein. Non, non. Sur quelle matière se sont exprimés les artistes François Dôme et Émile Gallet? Tu peux répéter la question? S'il te plaît. Il y en a qui essaient de nous déstabiliser oui. là d'en face. C'est les mous du gland, un peu de calme. Bah, restez mous, quoi. Sur que... À mon avis, excusez-moi, il y a eu un incident de oui. bouteille. Voilà. Avant la fin de l'émission, René tue quelqu'un. Je pense aussi. Moi, ouais. je préfère être le plus loin possible de lui. Oui. Mais alors, justement, ça a un rapport. Alors. Sur quelle matière se sont exprimés les artistes François Dôme et Émile Gallet? Il serait temps quand même de répondre. Du plastique, moi je dirais. C'est fantastique. Non, tu peux c'est dire dans le micro. Oui, là pour l'instant, vous pouvez dire dans le micro, vous consultez. Sur du marbre. Du verre. T'es sûr de quoi? Je crois. Ou du verre ou du marbre, mais une matière plus de sol ou de. Écoute pas Salim. Je crois. Écoute pas Salim. Moi, je sais pas. Hein, je dis ça. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Il a l'air d'accord avec moi. Une réponse. Alors. Non mais te fie pas à cet enfoiré. Non. C'est la nuit. Hein. Est-ce qu'il y a des bonnes réponses? Non, on ne pose pas de questions, on répond à la question. La matière en question. Le carrelage, comment ça s'appelle le truc de carrelage? Du carrelage. Ouais, bah, carrelage ou marbre ou des choses. Oui. Ou céramique ou des choses comme ça. Ah, la céramique. Est-ce que c'est votre réponse? Votre ultime bafouille? Non. Alors, il faut une réponse quand même. On va répondre avant demain. Le verre, allez. Le verre. Eh bien, c'est correct. Bravo. Jean-François, c'est un homme à poigne. Oui. Et à poil. Et à poil. T'as bien fait de pas te laisser faire. Ah oui, poigne-moi. Lors de la remise des prix de quelle épreuve, les athlètes noirs Smith et Carlos levèrent-ils le point au JO de Mexico? J'ai rien compris. C'est, au JO de Mexico en 68, il y a trois artistes noirs qui sont arrivés premier, deuxième, troisième. Il y a Tino Rossi qui est arrivé quatrième. Et qui ont levé le point en signe de protestation contre le racisme. Bon, déjà en 68, on le était pas ganté d'un. Moi j'étais né. C'était hein. de l'athlétisme, me semble-t-il. Mais... Tu peux refaire la question, s'il te plaît. C'était quoi la question? Quelle épreuve? Ces athlètes, lors des JO, ils venaient de faire quelle épreuve? Le saut de haie. Non, là. Perdu. Qui a sauté la haie encore? On n'a pas validé la réponse. Faudrait valider une réponse. Le saut en hauteur En longueur. Parce qu'en hauteur, non. Ouais, je sais pas, des athlètes noirs, c'est plus le sprint. Le saut en longueur, on va dire. Hein, Marina. Marina dit le saut. Non. Regarde le sprint, là. Le truc, le sprint. Oui. Le sprint, oui. Le 400 mètres. Quelqu'un 200 mètres. Ah, attention, pas de Google. Pas de Google. Le 100 mètres ou... Le 200 mètres. Moi j'en dis le saut. Le 200 mètres. Le saut de haie. Alors vous, alors moi, j'ai, pour l'instant, j'ai que, il y a 6 personnes qui répondent. Philippe, tu te, Philippe. Ah non, il achète des places sur billets réduits. Très sérieusement, oui. Je suis sur le. Excusez-moi, deux secondes, Philippe. Très sérieusement, tu te débrouilles avec les invités. J'ai une migraine, pas possible. Bon, le 200 mètres. Alors le 200 mètres, c'est correct. Pom. Quel célèbre chanteur anglo-saxon Hugo Frey a-t-il adapté dans La Fille du Nord, N'y pense plus et tout est bien? Cash Bob Dylan. Oui, bon, c'est allez, exactement. Hop, on passe à autre chose. Pop. Quel appareil? Alors, les quel appareil? Non, les mots, attends, pas les couilles molles, les mots du gland. Quel appareil fit ses débuts avec à ses commandes le chef pilote Pierre Nadeau? Frédéric était lancé. Le là. Spirit of Saint Louis. Non. Est-ce que je dis cash ou pas? Le Titanic, non? Je vais pas dire cash. Vas-y, vas-y. Lâche-toi. Moi, je dirais Concorde, les gars. Et les parce filles. Que t'as tenu le manche avec Concorde, alors. Ça date de 91, ce truc-là. Oui. Le Concorde, ça date de. Allez, va pour Concorde. 70. Mais c'est pas là où on a guillotiné le 816. Voilà. Alors, le Concorde. Le Concorde. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ah, merde. C'est pas le Concorde. Non. Il faut jamais m'écouter. C'est après 91. C'est la même question. C'est effectivement un avion, mais lequel? Quel appareil a fait ses débuts avec à ses commandes le chef pilote Pierre Nadeau? Ça doit être un Boeing. Non, c'est le nos avions, ils s'appellent comment? Airbus. Voilà, c'est le premier Airbus. En 80. Airbus. En quelle année? 91, on a pas l'année. Oui, il y a bien 30 ans qu'ils volent. Hein. Tu oui, parles Airbus. De qui? Oui, bah, un Airbus. Airbus. Eh bien, c'était la Caravelle. Ah. J'ai bien connu. Et enfin. La Caravelle, c'est un avion. Quel rapport y a-t-il entre le pont de Maria Pia à Porto, le viaduc de Garabit et la Tour Eiffel? Le viaduc de. Eh bien, de Garabit. Ah. En fait, c'était chiant le trial boursier. Cash, ils ont été dessinés par Gustave Eiffel. Eh bien, oui. Ils ont pas été dessinés. Fabriqués. Ils ont été dessinés, conçus par Gustave Eiffel. La réponse était dans la question. Oui. Là, on vous a laminé. Enfin, il nous a laminé, pas toi. Oh, attention, elle lame pas que de la glace. Ça lime et ça lamine, hein, en tout cas. Elle est mauvaise, la GG, elle est mauvaise. Ah, c'est pas possible. Bon. Avec pas du tout, mais alors non, pour. Non, pas du tout, non, j'étais en train de regarder les dernières critiques tombées de la voisine. D'ailleurs, j'en ai une à vous dire. Ah, vas-y, t'as une critique Bah, j'ai tout éteint là. Oh. Comme Maurice. Non, mais c'est vrai qu'on a des super critiques. On est vraiment très content de les lire tous les jours. Vous avez de la chance. Oui, merci. Ce n'est pas le cas de tout le monde puisque Frédéric était en négatif dans moi, les. Moi, sur billets réduits, je suis débiteur en étoiles. J'en ai une. Frédéric ne sait pas lire. J'en ai une qui a été écrite jeudi. Excellent, pas une seconde où l'on s'ennuie, riche en rebondissements, super bonne crise de rire. Merci pour ce moment. Ah, c'est exactement. C'est moi qui l'ai écrite. 5 étoiles. Non, mais on en a plein d'autres. Non, c'est pas vrai. On en a plein. Ouais. Excellent. Merci, j'ai passé un agréable moment devant cette pièce bien écrite. La mise en scène est inventive et les comédiens s'en donnent à cœur joie pour notre plus grand plaisir. Bref, on s'éclate du débeau à la fin. Et je lis avec les courez tous à l'Odéon. Et là, c'est sur quelle pièce finalement c'est critique hein. C'est ça. c'est au théâtre Bobino. Mauvais ce Frédéric. Non, c'était une perche à Maurice. Fallait répondre ma voisine ne suce pas que de la glace. Et où ça, Maurice? Maurice, on l'a perdu là. Il a plus l'habitude. C'est où, Maurice? Ça fait bien longtemps que plus personne lui tend de perche. Maurice, je t'aime. Il faut le laisser tranquille là, franchement. Non, alors, juste après la pause qui va arriver. Il va falloir réaffûter vos blagues car nous avons une nouvelle tournée de blagues. Ouais. Donc restez avec nous, on revient avec l'équipe de ma voisine. Merci remets ton monde entier. Merci de me donner des cacahuètes juste avant. C'est dans la pièce. C'est pareil, ça fait longtemps que personne ne te donne des cacahuètes. C'est ce qu'on donne aux singes, non? C'est quoi cette pièce? Merci de me donner des cacahuètes avant. C'est tout ce qu'on lui jette, quoi. Ça a été un flop 2012. Attends, alors Maurice, à ton rythme. Alors, pour rigoler tous les soirs, venez voir Ma voisine ne suce pas que de la glace au théâtre Edgar. Merci Maurice, à tout de suite. Merci Maurice. Retourne, on va se marrer. Voilà, nous sommes tous présents ici même. Avec beaucoup d'ambiance et l'équipe. Ouais, c'est énorme. Ma voisine ne suce pas que de la glace. Ouais. Merci Maurice. Et alors, l'équipe est en forme, donc on envoie une nouvelle tournée de blagues. Allez. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Alors Gégé, une petite mignonne. Oui. Quelle est la différence entre le Viagra et les marrons? Tu me regardes moi. Parce que je demande à vous. Quelle est la différence entre le Viagra et les marrons? On ne sait pas. Aucune, effectivement. Ils servent à fourrer la dinde. Oh, bravo. Alors attends, d'abord Julien. Alors c'est un homme qui est invité dans un cocktail un petit peu mondain dans le 16e arrondissement de Paris et il va et vient entre les discussions et le buffet et il arrive devant une jeune femme et il la regarde un peu interrogatif, il n'ose pas trop l'aborder et alors il ose quand même aller lui parler, il se poste devant elle et puis il lui dit « Écoutez madame, je vous regarde depuis un petit moment et... franchement, avec le visage que vous avez, je pense que vous devriez faire du cinéma, parce que franchement, c'est exceptionnel. » Et la jeune femme lui répond « Oui, je m'appelle Nathalie Baye. » Et puis le type lui répond « Oh bah écoutez, ça c'est pas très grave, hein, vous avez qu'à prendre un pseudonyme. » Tu as dit une jeune femme? Tu as dit une jeune femme au début? C'est... Oui. La blague date de 1964. Alors, ah oui, excusez-moi, la blague de Maurice avec son sponsor. La blague de Maurice vous est présentée par la Cotorep. Cotorep, faisons bouger le handicap. N'importe quoi. Pourquoi un aveugle? Pourquoi un aveugle? Ça commence. Allez Maurice. Pourquoi un aveugle est-il interdit de saut à l'élastique? Vous le savez les filles? Ah non, on va le savoir bientôt. Parce que son chien a trop peur. Oh. Elle est mignonne. Mignonne, celle-là. Deux vaches discutent dans un pré. De quoi? Deux vaches. Dis donc, t'as pas peur de la maladie de la vache folle, toi? Moi, je m'en fous, hein, je suis un canard. Ah, je la connaissais en anglais. Je la connaissais en version anglaise, celle-là. Tant pis. Parce que mademoiselle Marina est bourgeoise. Oui, mais on diffuse pas. Je vois pas le rapport entre anglais et bourgeois, mais. Bah, les bourgeoises. C'est pas parce que je suis bilingue que je suis bourgeoise. Ah oui, bah voilà, mais les bourgeoises françaises parlent anglais dans le 16e arrondissement. Elles font leur commande chawarma. C'est pour ça que j'habite le 19e. Vous voulez qu'on vous laisse? Le 19e? Ouais, ils t'ont délocalisé. Quels sont, à votre avis, les 5 mots qu'un homme craint le plus d'entendre en faisant l'amour? Bitcoinichon. Chérie, je suis de retour. Ah, c'était ça les 5 mots. C'est une blonde qui se balade dans Paris et elle s'aperçoit depuis une bonne demi-heure, il y a un mec patibulaire qui la suit. Mais alors vraiment une tronche d'enfer, on dirait Maurice. Parce que t'as une tronche de truand. Et puis elle tourne à gauche, elle vérifie, et le mec est toujours derrière elle. Au bout d'un moment, elle en a marre, elle se retourne et puis elle dit « Dites donc vous, c'est fini, oui? Vous allez quand même pas me suivre jusqu'à chez moi, 103 boulevard Saint-Jacques, 3e étage, porte à droite, attention à la 2e marche !» Alors, Sabrina. Alors, ça, c'est une blague qui n'a pas fait rire Cindy du tout. Mais ça me fait rire. Quoi? Elle n'a pas eu le temps de noter l'adresse. Sabrina. Donc, alors, quel est le point commun entre Bill Clinton et Godzilla? Eh bien, si tu t'approches trop, tu te prends un coup de queue. Elle est mignonne. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il a encore été photographié entre deux actrices porno, quand même, Bill Clinton. Ah bon, il récidive. Il s'en rend pas compte. Ah ben non, c'est le desk américain. Il croyait que c'était les stagiaires. Enfin, Marina. Bernadette Chirac n'est plus stagiaire. Alors, moi, c'est un petit hommage à l'équipe d'en face, les mous du gland. C'est la parole du sage. Alors, si tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances, dis-toi que le grand chêne aussi a un jour été gland. Un peu de poésie. Ce monde de brutes. Et maintenant, Maurice va parler. C'est la parole du vieux singe. Je sais pas. Non, Maurice. Non, Cindy. Momo. Oui. Alors, au bureau, le téléphone du patron sonne pile juste au moment où il est sur le point de faire l'amour avec sa secrétaire. Elle décroche. Allô? Ah non, madame, votre mari n'est pas encore rentré. Oh, ça y est, je vous le passe. Salim. Il a été, oui. Vous avez trois gamins dans une cour de récré qui se retrouvent et qui se disputent qui a le plus grand père. Et il y en a un, il lui dit, tu sais, mon père, quand il est debout, eh ben, il fait la taille de la tour Eiffel. Il fait, ben, moi, mon père, quand il se met debout et qu'il tend le bras, eh ben, il touche les nuages. Le troisième arrive et lui dit, mais ton père, quand il tend le bras, il sent pas un truc un peu glacé? Il fait, si, si, si. Il fait, ben, ça, c'est les couilles de mon père. Moi, je croyais que c'était chaud, les couilles. Hein. Ah oui, mais dans le ciel. Eh oui, alors, on a une petite pratique dans l'émission. Oui. C'est j'ai très peur de ce que tu vas dire. C'est l'impro avec Maurice. Oh là là là. Oh là là là. Maurice a des blagues fétiches et il a la fameuse blague du sex shop. Alors, Maurice, dans son sex shop avec l'équipe de Ma Voisine, ne suce pas que de la glace. Bravo. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous ? Bonjour madame, ça, je vous... Ah non, elle me dit monsieur. Ah bah, improvise. Improvise, il dit. Oh pardon. C'est pas parce que c'est la je pensais qu'avec tous ces... Non mais c'est la, moustache, c'est la moustache qui t'a dit. Non, tu lui dis non, non madame. Excusez-moi monsieur, dame. Bah, ma femme s'appelle Maurice. Ah. C'est pour ça aussi. Alors on recommence. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Ravie de vous rencontrer, Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh bien, je désirais m'acheter un Godemichet. Qu'est-ce que vous avez comme modèle ? Ah, mais plein de modèles. Vous êtes au paradis du God. Alors, attention. Nous avons des petits modèles, des grands modèles, des gros modèles. Attention, de toutes les couleurs. Des vibros, des non-vibros, des lubrifiants. Enfin, bref, un choix exceptionnel. Ah, c'est bien. Intéressant. Est-ce que je peux vous montrer une petite démo ? Oh oui, je veux bien. Oh non, ne touchez pas, ça s'agrandit tout seul. Merci. Et dans les couleurs, qu'est-ce que vous avez ? Ah mais ça, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Même fluo, non fluo, à poire. Phosphorescent aussi. Tout à fait, madame, tout à fait. Est-ce que cela vous intéresse ? Bien sûr. Une petite démonstration, j'ai mon patron qui va arriver. Jean-Michel ! Oui ? C'est lui qui fait la démonstration. C'est pourquoi, Cindy ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une dame qui voudrait une petite démonstration. Bon, je pense que celle-là, là. Oui. Un gros portefeuille, je voudrais dire. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Allez, fais-toi plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous me proposez dans votre Godemichet électrique ? Ma meilleure vendeuse. Écoutez, en Godemichet, nous avons un peu tout ce qui se fait de mieux. Comme vous l'a dit ma vendeuse, il y a des choses exceptionnelles ici. Et sur l'étagère, vous avez un choix énorme quand même. Oui, oui, oui. Pas que sur l'étagère. Grosse, grosse, grosse promotion sur le DSK ces jours-ci. Ah, c'est bien ça. Avant qu'il arrive à rupture. Hein. Ah, c'est bien. Et le modèle qui est sous l'étagère, par contre. Ah, sous l'étagère ? Oui. Le Barack Obama ? Non, le gros rouge, là, après, là. Après, ah, après la plante, là. Le gros rouge, là ? Oui. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Pourquoi ? Y a quoi, l'habite à Superman ? Mais non, enfin... Parce qu'il y a une pompe au bout ? Mais enfin, mais madame... Attendez, moi, je suis cliente, je suis pour prendre le truc gros en oui, rouge, non, là. Mais je l'ai vu en premier, non, c'est moi la problème, ça. Non, j'étais là avant, madame. Non, mais attendez, non, mais j'ai vu la dame qui était avant je moi. Je ne sais pas te demander. Bon, excusez-moi, Il faut pas créer comme ça aussi. Bon, s'il vous plaît, on se calme. C'est bon. Est-ce qu'il y a Cindy, plusieurs modèles de rouge ? Cindy, tu m'appelles la sécurité. Mesdames. Ouais, j'arrive, la sécurité, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Ça suffit, on appelle la sécurité. La sécurité, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, s'il vous plaît, ouais, on va recommander une cinquantaine d'extincteurs, ça s'arrache comme des petits pains. J'espère que vous avez pris des notes. Ah là là. Ah, elle avait pas eu cette ma version, voisine là. N'achète pas que des extincteurs, bientôt au théâtre d'Edgar. Produit par Jean-François Godier. Voilà. Bon, eh, vous avez compris qu'ils ont, ils ont de l'énergie à revendre. Et c'est ce qu'ils vous offrent sur la, la c'est scène. C'est 10 euros sur Billet Réduc. Et ça, il faut aller voir leur pièce surtout. C'est Ma voisine ne suce pas que de la glace. Ah, ça y est, c'est au théâtre d'Edgar. Ah là, t'as vu, là, il est content. Ah, il est là, c'est bon. Bon, alors, justement. Des histoires de vibromasseur, ça l'a chauffé. Alors, Maurice, justement, vous est très en forme et il vous réserve une petite surprise pour la fin de l'émission. C'est un jeu qu'on nous demande sur toutes les radios et on l'a que chez nous. C'est le jeu de la photo mystère. Oh. Alors attention, reste avec nous. On revient avec l'équipe de Ma voisine ne suce pas que de la glace. Et c'est tout. Et c'est tous les soirs au théâtre des gars. Ta gueule, c'est fini. T'es belle antenne, là, Maurice. Voilà, c'est bien à peine que je me défonce. Retour d'On va se marrer. Avec l'équipe de... Ma voisine ne suce pas que de la glace. Merci Maurice. Merci. Ah ben il a changé de voix. Je suis le petit-fils de Maurice. Enfin, j'étais pas dans le même studio que vous, excusez-moi. Ah oui. Alors vous avez vu que Maurice, vous avez vu que Maurice s'est levé. Maurice s'est levé avec son micro, Carla. C'est le moment de son show. Il y en a aucune des trois qui s'appelle Carla. Carla Bruni et son... Son teint et son teint allé. Et son teint allé. Voilà. Allez. Je partirai. Alors on a confié, comme chaque semaine, à Maurice une photo mystère. Le but du jeu pour Maurice, c'est d'écrire ce qu'il y a sur cette photo pour vous faire découvrir ce qu'il y a, donc le nom de cette photo mystère. Et c'est souvent un mystère pour Maurice lui-même. Donc le problème, c'est qu'il n'a pas le droit, bien sûr, de prononcer le bien mot sûr, ou le pas. Nom, ben, les mots qui composent le bien nom sûr. De cette photo mystère, bien sûr. Bien sûr. Et il a également un mot interdit qu'il vous ferait trouver trop rapidement, qu'on lui a interdit de prononcer. On joue par coup de 10 secondes, il donne 10 secondes d'infos à son équipe qui ne trouve pas, 10 secondes pour vous, etc. Comme et d'habitude. Et c'est la première équipe qui trouve ce qu'est cette photo mystère, qui marque le premier point. On ne pose pas de questions. Non, non, non. Là, il n'y a aucune question à poser. C'est Maurice qui vous donne des infos vraiment très intéressantes. Vous allez voir. Alors, pour éviter que Maurice perde du temps avec le chrono, c'est lui qui le déclenche. Donc, Maurice, dès que tu es prêt... Qui est-ce qui commence ? Eh bien, on va commencer par ton équipe, l'équipe des Mous du Gland. Non, non, pourquoi toujours par comme vous voulez, mais c'est parce que la semaine, les 15 jours, il a donné une des... Alors, on commence par l'équipe des suceuses. Donc, c'est pour vous, là. D'accord. Maurice, quand tu veux. Un coup, c'est trop alors, prêt, stop. C'est, trop c'est un aliment qu'on peut trouver dans différents plats. Les œufs. Attends, attends, les 10 secondes. Voilà. Ah merde, pardon. Ah oui, faut pas l'interrompre. Voilà, ça y est, tu nous l'as bloqué maintenant. Voilà. Je suis bloqué. Tu l'as bloqué, il faut pas lui faire ça. Il faut attendre les 10 secondes avant. J'avais pas compris. Alors donc, des œufs, Maurice. Non. Ah, non. 10 secondes pour ton équipe. Stop. C'est un aliment de petite taille. On ne le trouve pas dans des Écosses, non. Ça pousse, je sais pas où. pas. Hein une endive. Ah, de petite taille. Il arrive qu'on le trouve. Il arrive qu'on le trouve dans des pays de Galles, mais pas dans des Écosses. Non, jamais. Ah, c'est ça qu'il a dit. Que j'avais pas compris. Et là, Bob généralement commence à s'énerver. Hein. Non, non. Si. Non, non, non. Si, si. Non. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est alors, ça que t'as dit ? Pays de Galles et Écosse ? Oui. Mais vous avez dit quoi ? Non, pays il a dit qu'on ne trouve pas dans des Écosses, mais je pense qu'il voulait dire dans des Cosses. Dans les des haricots Cosses, oui. Et tout ça, là. Alors, non. Moi, j'ai fait mes clashs chez Paul Bocuse. Des pois chiches. Alors, vous. Non, faut attendre les 10 secondes. Déjà, vous respectez attends, pas la règle. Cindy n'attend jamais les 10 secondes. Ah bah. Cindy, elle attend les 10 secondes et elle arrête. En général, ça dure 3 secondes. Ouais, c'est ça. Ah, oh, bah, avec Maurice, ça peut pas durer plus longtemps. Non, mais attendez. Attendez. Alors là, déjà, donc, au bout d'une seconde, il baisse les bras. Bon, alors. Et je parle que des bras. Maurice, avec, c'est un précoce. Hein. Alors, avec toutes les infos intéressantes. Des cosses. Alors, là, vous avez eu des infos intéressantes quand même. Hein. Bah, un flageolet, une connerie comme ça. Non. Ah, alors là, écoutez bien, voici. Faudra que tu me dises ce que c'est comme légume, une connerie comme ça. Bah, attendez, attendez bien les 10 secondes de Maurice. Maison, hein. Je sais pas si ça... Maurice, c'est à toi. Stop. Il sert d'accompagnement à de la viande, spécialement poulet ou agneau. Allez, Maurice. Allez, Maurice. Non, non, mais on n'a pas assez d'indices. Il n'y aura jamais 10 secondes, Maurice. Il faut pas d'un. Si tu dis j'ai trouvé, ça y est, il est paniqué. Oui, il est paniqué. Il est paniqué. Il est paniqué, ça c'est sûr. Stop. Non, attends, Maurice, stop. Alors là, une idée. mais on a j'ai une idée, moi. Ah. Une olive. Ah. Ah. Non. Ah. Oh. L'agneau. Bah, c'est pas obligé de l'engueuler non plus, Maurice. Mais on n'a pas parlé de poulet. On n'a pas parlé de plat maghrébin. Ah oui, poulet aux olives. On a parlé de plat français. Alors, Maurice, 10 secondes pour ton équipe. Alors, stop, c'est de couleur crème. Blanc cassé, la couleur du légume. Hein, c'est un légume, déjà. Oui. J'ai trouvé. Oh, la peste. Ça, c'est pas faire play, Cindy. Alors, le pois chiche, c'est... Ah oui, le pois chiche, tu as raison. Le pois chiche. Le pois chiche, hein, c'est la couleur. Oui. C'est petite taille. Petite taille. On le trouve dans, bah avec le dans différents plats. J'ai pas dit le gigot, j'ai dit le avec mouton. Avec le poulet et puis bah, le mouton, on peut faire un gigot de mouton. Ah oui, le pois chiche. On dit ça ? Le pois chiche. Oui. Ah ! C'est ce qu'on avait dit aussi. C'est ce qu'on avait dit. Mais oui, mais elle l'avait trouvé tout à l'heure. Quel est l'abruti qui a dit le pois chiche ? Alors c'était pas à lui de répondre. Elle s'appelle Cindy Gaillot. Et ben voilà. Et on me sort olive à la fin. Alors quel est le mot interdit ? Ah oui, alors il y a un mot interdit. Le mot interdit, c'est couscous. Bravo. Bah oui. Oh là là là là forcément. Là là. C'est tout ? Mais bah oui, ah oui. Voilà. Non, alors moi, je dis que les comédiens de Ma voisine ne suce pas que de la glace ne sont pas fair play, ils ne vous ont pas applaudi. Oui. Non. Oh bah oui, mais oh. Écoute. Merci. Bravo. Merci, merci. Couscous de ouf, couscous hello. On avait les mains prises. Vu que vous jouez au théâtre d'Edgar, j'imagine, donc depuis le mois d'avril, vous avez déjà eu du public. Oui, ça j'espère pour vous. Vous avez déjà eu des applaudissements. Mais des petites anecdotes. Oui, vrai, ah. Oui. Ah. Il y a eu plusieurs anecdotes. Oui. Ah. Marina. Oui. Ah non, c'était Marguerite, pardon. Marguerite, une fois est arrivée sur scène, donc son passage, elle doit courir et arriver pile au milieu de la scène. Et juste avant, il y a de l'eau renversée. Et elle arrive en courant, et là, bim, elle tombe, ah là mais là pile là sur là sa réplique, alors que c'était énorme, pile sur la bonne réplique. Et là, le public en fou rire général, c'était énorme. Elle s'est pas fait mal au moins. Voilà, si, c'est elle très arrive, drôle. Elle fait surprise. Si, bah, si. Elle arrive, elle fait surprise. Ah oui. Bon, ouais. Les gens ont cru que c'était dans la mise en scène, non ? Oui, effectivement, parce qu'elle a rattrapé le coup après, apparemment. Hein. Est-ce que Jérémy a repris l'idée dans la mise en scène ? Non, heureusement. Il est obligé de changer de comédienne tous les soirs parce qu'elle se casse voilà. Tout le coccyx. Ça faisait des frais de sécu un peu trop importants. Voilà. Non, mais après, mais en fait, il y a un moment dans la pièce où il y a les filles qui parlent entre elles, Isabelle et la voisine parlent entre elles et elles s'échangent quelque chose. Et à un moment, ça surprend Grégory. Grégory crache de l'eau parce qu'il a le verre à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'elle s'est renversée. Elle est tombée parce que l'eau était renversée sur le sol. Oui. Mais elle va bien, rassure-nous. Alors qu'habituellement, on non, crache elle est de l'eau elle est décédée sur les il y a deux jours. Habituellement, voilà, on crache sur les spectateurs. Vous avez tous été à l'enterrement. Et oui. On a et vous avez pour elle ce soir. Et vous avez jamais eu, depuis que vous jouez, des spectateurs lourds dans le public Si. Ah, tous les soirs. Sinon, parce que sinon, on vous envoie Bob. Ah oui, alors il y a Bob qui comprend pas généralement qu'un spectacle est écrit, qui croit que c'est que du stand-up. Et donc, même pendant les pièces de théâtre, il fait des commentaires. Il parle, il répond. Oui, au premier rang. Mmh. Oui, d'accord. Viens nous voir dans la voisine, on va s'occuper de toi. Alors, si jamais il vous sollicite, mettez-le au fond, au dernier rang. Hein. Non, mais on aime bien les gens du premier rang, on s'en occupe très bien. Et puis on joue avec aussi le public. Oui, donc, il y en a qui. Il y a un peu d'impro. Enfin, là, ne le faites pas venir un samedi parce que vous pouvez pas enchaîner deux pièces de suite. Il y a un peu d'impro. Il y a un peu d'impro aussi. Il y a un peu d'impro parce qu'effectivement. Ça dépend des spectateurs, ça dépend de ce qu'on a en face de nous. C'est du spectacle vivant. Sinon, on rentre dans une espèce de quotidien et ça devient difficile d'avoir toujours la même pêche. Parce que Fred peut vous raconter une anecdote d'un de ses spectacles où il a encore eu. Encore, tu veux que je la raconte, celle-là ? Oui, mais elle me plaît. Mais tu me l'as fait raconter toutes les semaines. Ah non, c'est pas vrai. Tous les 15 jours. Bah, si les auditeurs d'avant l'ont déjà entendu. Ah non, mais vous la connaissez pas, vous. Elle est très rapide. Nous, on s'en fout. Alors, quand j'ai commencé à jouer mon one man show, j'ai joué, même quand j'ai fini, j'ai joué dans une toute petite salle. Et à la petite loge à Paris, qu'on connaît bien, qui est le plus petit théâtre de Paris. Et un soir, j'avais 3 personnes dans la salle, dans le public. Autant dire que c'était complet. Voilà. La scène était complète. Hein. Une fois que je suis dessus, la scène est complète. Il y avait donc un couple et puis une dame un peu plus âgée, une vieille dame, une vieille... Et une vieille qui était assise Maurice, au fond. Maurice, il parle de ta femme. C'est pas vrai. C'est elle avait pas de moustache. Sa femme s'appelle Maurice. Le dernier qui a vu la femme de Maurice, il est pas jeune. Hein. Alors, et donc, cette spectatrice qui est venue avec son chien, la masse originale, elle m'a dit. Elle a payé sa place, le chien. Et elle nous dit : non, mais vous inquiétez pas, il est muet. Bon, on va jouer alors. Et elle a passé tout le spectacle, et donc la petite loge, c'est tout petit, donc on les voit, les spectateurs. Tout le spectacle, à dodeliner de la tête et à faire. C'est bien quand tu fais un spectacle drôle. Voilà, bon, merci Philippe. Il faut qu'il soit drôle aussi. Je vais me jeter par la fenêtre. Bah nous, on n'a jamais eu personne qui fait ça. Je veux dire. Ah, après la courte pause, oui. Là, il va falloir dégainer fort parce que Frédéric, chaque fin d'émission, nous le sort. Oui. Et encore une fois, je vais vous le sortir. Ma voisine va adorer. Voilà. Mais ah oui. Je la rassure, ce n'est que son petit quiz. Avec deux, avec deux glaçons. Petit, hein. Je sais pas, tel que tu le dis, je sais pas si ça rassure les gens. Bon, allez, on remet ça, on remet le couvert juste après la pause avec l'équipe de. Réveillez-vous, pas que de la glace au théâtre d'Edgar tous les soirs dans le 14e arrondissement. Qu'on se le dise, à tout de suite. Retour dans Basse-Marée avec l'équipe de Ma voisine ne suce pas que de la glace. C'est marrant quand même parce que Maurice il a besoin d'une seconde pour revenir parmi nous. C'est ça, oui. Au départ il se dit ah ça c'est bien, c'est une émission de radio, c'est quoi. Génial. Mais il suce pas que de la glace non plus. Alors dans l'émission, en fin d'émission chaque semaine, Frédéric nous le sort. Le petit quiz. Ah. Et il y a un thème chaque semaine. Et le thème de la semaine, ça va être un quiz sur le café. C'est-à-dire que vous allez entendre. Ah non, il n'y en a pas 8, il y en a 9, pardon. C'est nul, le café. Oh, c'est nul. Moi, ça m'excite. C'est nul. Ça va être long, hein. Il y a 9 extraits de chansons. Donc des chanteurs ou des chanteuses. Mortes ou mortes. Non, duos. Pas tous. Il y a un duo. Et il faut trouver quoi? Et donc, il faut trouver le nom des chanteurs ou des chanteuses. Voilà, 9 extraits. Le premier extrait, Bob. Marina, c'est pour toi. Qui parle de... le premier extrait. Mais attends, ça parle de quoi de café? C'est le jingle. Le thème, bon, c'est café. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. On s'est connu au café des trois colombes. Café, ça va? Qui veut goûter mon mocha café? Ça va? Qui veut un cigare extra? Tu veux préparer le café noir? Tes nuits blanches et même ton mouchoir. In between I drink black coffee. Elle a toujours le sourire, on dirait une femme en cire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, c'est la caissière du grand café. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café. Sur le port de Tunis, le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Ah! Alors, il y en avait 9. Alors, il y en a eu 9 et il y en avait pour toutes les générations quand même. Oui, c'est vrai. Enfin, surtout pour les mous du gland. Surtout pour les mous du gland. Merci. Alors, excusez-moi, mais le 8, il n'y a que les jeunes qui peuvent le trouver. Ah oui. Même moi, je ne le connaissais pas. On est plus si jeunes. Alors, tour de table, vous en avez combien? Sabrina. 1, 2, 3, 4. 4, mais bon, 3 et demi un peu. 4 dont 3 de bon. Marina. 7, mais vraiment pas sûr. Alors là, c'est pas mal. Hein. Non, mais ça, Cindy. C'est 6. Jean-François. 6. Bah oui, ils ont une feuille pour deux, donc en fait, ils ont 3 chacun. Non, on n'a pas les mêmes. 3 chacun. On couche ensemble. Moi, j'en ai 5. Oh. Ah. Oui, bah on va faire comme Maurice. Maurice, qu'est-ce que tu fais? Je suis décomposé ce soir. Allez, on la décompose. Alors, priorité aux invités pour la réponse, bien sûr. On vous écoute, hein. Alors la première c'est Gainsbourg. Ouais. Bravo. De son prénom Serge. J'aime les choses qu'on. Jodassin. Oh. Ben vous voyez qu'il n'y a pas que pour les vieux. Si, c'est pour les vieux mais ils connaissent quand même. Le troisième. Cordier Bourvil. Bravo. Annie Cordier Bourvil, oui. Non, là c'est Jodassin là. Café. Voilà, là c'est qui? Bourvil avec Annie Cordier. Bravo. Eddie Mitchell, la quatrième. Non. Bravo. Monsieur Schmoll. Monsieur Schmoll. Ah mais tu lui ressembles. Voilà, c'est oui, Salim est le sosie de Michel Berger. Oui, tout à fait. Alors après. Moi après je suis. J'ai mis Sarah Vaughan. Non, pas loin. Moi j'ai mis Streisand. Pas loin. Non, c'est pas du tout Streisand. Hutt Lamper, non. Pas loin de Sarah Vaughan. Nina Simone. Non. Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald. Voilà. Là, je suis le seul à la voir. Là, je sais pas qui c'est. Je suis sûr. Ah si, j'ai mis Michel Jonas, mais alors. Non, pas du tout. Non, c'est. Je sais pas du tout. Oui. Oui. Dick Rivers. Oui. Les bananes, les chaussettes noires. Vas-y, l'affaire sauvage. Louis Trio. Ah, l'affaire Louis Trio. C'est qui? L'affaire Louis Trio. Je connais même pas. Alors, qui a la 8, la 8. Bon, moi j'ai trouvé Evra. Non, c'est Evra d'abord et c'est pas ça. Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Le militaire là, ce qui était toujours habillé en militaire. Ça, c'était Evra. Donc ce n'est pas lui. C'est un acteur et chanteur français très connu. Fernandel. Bravo, oui, Fernandel, oui, oui. Je l'ai, la réponse. Sur l'extrait, c'est pas la voix de Fernandel. Si, si, c'est Fernandel. C'est sa doublure. Si, Fernandel. Ah ben, Fernandel a été jeune un jour. Hein. Ouais, mais on reconnaît pas. C'est vrai, on est trop long. Alors, suivant. Suivant. Alors ça, c'est pour les jeunes. Je vois le clip, mais Trio. Non, non, non, c'est un truc très récent. Je vois le très bien. Non, mais on connaît pas ce qui est nouveau. Son nom commence par un O. Oh là là, O'Brien. Obispo. Non, non, il est non, pas un jeune. Un autre indice. Non, son, le deuxième nom c'est un L. Oh. Le deuxième lettre, pardon. Oh là là, Olivia. C'est Olivia Elton John. Olga. C'est Oldelaf. Ah, ah, Old ah, la tristitude. Exact. Ah, tristitude. Bon, et alors ça. La tristitude. Patrick Bruel. Patrick Bruel. Bravo monsieur. Mais de rien. Bon, moi j'avais quand même Gainsbourg, Jodassin, Michel Berger. Que des Arabes. Moi je pense quand même que nos invités qui ont quand même pratiquement trouvé tout le quiz de Fred mérite des applaudissements. Oui, quand même. Merci. Bravo à eux. Bravo à eux. Comment ? Non, je dis bravo aux invités. Oui. Bravo à ma cousine. Attendez, ta gueule. Ma voisine ne suce pas. Ma cousine. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui, monsieur Fourchot. Et mes acclamations. Ah, j'ai oublié. Les acclamations de Don Salus. Ah bah quand même. Don Salus. Don Salus. Alias Frédéric. Mais il m'acclamait pas. Mais si, je crois. Frédéric. Hello, mon seigneur. Exactement, madame est connaissante. Madame a de la culture. Alors, je dois vous dire une chose quand même, oui. C'est que tout au long de cette émission, vous avez marqué des points et que nous arrivons au terme de cette émission et que donc les mots du gland que vous avez baptisé ainsi ont ce soir capitalisé 8 points. Bravo. Ce qui est pas mal du tout. Bravo, bravo. On est fair play, bravo. Ah ouais. Mais ce n'est pas suffisant, car vous les avez écrasés avec 11 points. C'est pas le terme. Alors, on va vous remercier parce qu'on s'est bien marré avec vous. Parce que, hein, Maurice, c'est vrai que tu t'es bien. Hein, Maurice, je suis éclaté. Ma voisine ne suce non, pas. Non, ma cousine, que de la glace. Il a dit. C'est ma cousine. Tout ma à cousine l'heure. Ne suce pas. Alors, vous allez voir que Maurice, pour la promo, ça démarre automatiquement. Pas. Maurice, cette soirée, c'était bien. Ah oui, très bien. Avec ma voisine ne suce pas que de la glace. C'est au théâtre d'Edgar, à Paris, dans les le 14e. Les jours. Et les jours, c'est tous les dimanches. Mais non, c'est tous les jours. Alors, si surtout si vous ne voulez aucun spectateur dans la salle, appelez Maurice pour votre promo. Ok, attaché de presse. C'est du lundi au dimanche, c'est tous les soirs. Oui, mais ils l'ont dit tout à l'heure. Il y a quand même une petite chose à préciser. C'est, c'est qu'on est absolument sur tous les sites de réservation. Voilà. Réduc, Ticketac, Fnac, etc. Laredoute.fr. Laredoute.fr pour Frédéric Coster. Maurice.com. Voilà. Et on est dans les 30 meilleures réservations de billets Réduc. Ben oui, oh, ça va. Voilà. Donc, Frédéric Coster à la loge n'a pas réussi à faire ça. Ça va. Mais on fait mieux que certains, donc. On fait mieux que certains, effectivement. Personnellement, ce qui me concerne moi-même, j'ai acheté mes places sur Picard parce que ça ne nous laisse pas de glace. Oh là là. Voilà. Bravo Julien. En tout cas, Julien habite dans le 13e arrondissement. Ouais. C'est pour ça qu'il trouve ses blagues. Voilà. Julien, maintenant tu la fermes. Merci. Bon, alors on va remercier et applaudir Sabrina, Marina, merci. Bravo, merci beaucoup. Jean-François et Salim. Merci beaucoup. Et on va aller se marrer avec eux donc au théâtre des Tiers à Paris. Puis on attend que vous alliez faire un tour en province en Belgique. Mais ça, on ne veut que faire des tournées, hein, je veux dire. Très bien, bah alors. Bah, voyager sur Air France. Hein. Mais peut-être qu'à la rentrée, on se trouvera à Nantes. Rien n'est sûr, mais on l'espère. Donc c'est certain, on se retrouvera à Nantes dans un grand théâtre de 350 places. Facebook.com pour avoir le Facebook de ma voisine ne suspecte de la glace. Et puis on mettra en lien sur le Facebook, sur la page Facebook dont on va se marrer, bien sûr, vos contacts pour qu'on puisse savoir ce que vous faites en ce moment. Merci d'être venu et bravo encore. Bravo. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Julien. Merci à Gégé. Bravo Gégé. Maurice. Vive Maurice. Bob du club. Au revoir les filles, à la semaine prochaine. Frédéric Coster. Davy pour la réalisation. Bravo. Les choses importantes, c'est onvasemarrer.com, les anciennes émissions, oui. iTunes pour le podcast et la page Facebook pour découvrir la photo de la semaine et les anciennes émissions. Voilà. Merci de et votre moi, patience. J'ai une 305 à vendre. À la semaine prochaine. On est un petit peu le bon coin du théâtre.